c'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Kamati fimwe abeti banana ye banana ye nandako kasina kati abeti mwana mopaya ho bamonyo so bakimye na kore la le la le la ho ye. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir détermine nos origines, si l'on est fils. Alléluia! Kasi mwana mopaya, ako kimandako. Kasi mwana yanako, ako bana kende wapye. Batanga na zonge, yambanga ina mabongo na yo. Soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Nekera tombo, akobi mokana zala o. Papa na tombo, ako kenda kamo. Mama kobima, mbeba tonyo soba kobima ho. Ntango na mpokwa, nde abozo kita kona yembe. Oh yeah. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Sakoli na mpokwa ye ngai na ndimye yangonde ele mbogo kozala mwana mwana na tata o. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. Alléluia. Il y a un homme qui prend la chicotte et il frappe ses enfants. Mais à l'intérieur, il y avait un neveu. Tous se sont dispersés. Mais c'est le soir qu'on voit les enfants de la maison. Le neveu va venir, il va dire, mais celui-là, il m'a frappé. C'est pas mon père. Mais quand tu es fils de la maison, tu te diras, auprès de qui irai-je? Ça, c'est ma maison. Tu vas tout faire, même par la fenêtre, tu retournes à la maison. Alléluia. C'est le soir qui détermine nos origines.